Merci, c'était super, c'était génial, j'ai adoré vos deux interventions. Du coup, j'ai deux questions, une question pour Charlotte d'abord, qui va un peu boucler avec l'intervention que j'ai fait hier sur la question des données anthropologiques, pour le coup. Tu as parlé, évidemment, j'imagine que tu as un corpus d'entretien enregistré, j'imagine, d'autant que tu as des pratiques aussi de radio antérieures. Et puis, on a collaboré ensemble sur un des aspects de ma recherche. Tu as parlé de consultations d'archives qui sont en main privée quand elles n'ont pas disparu. Alors, je ne sais pas si tu as une pratique de les répliquer en les photographiant ou en les numérisant. En tout cas, voilà, ça pose une question de tout ce corpus que tu constitues dans le cadre de cette recherche qui vise, donc, en tant qu'anthropologue, à écrire une histoire récente ou actuelle, comment tu le réfléchis, dans le temps, voilà. La deuxième question, c'est plus une question pour Céline. Je sais pas exactement quelle connaissance vous avez de, enfin ici, donc c'est un vous plus général, de ce qui se passe à Villeurbanne autour de Mémoire Minoritaire, qui est une association qui gère un lieu qui s'appelle le Brasero, une association qui a été créée en 2017, qui est membre fondatrice avec Mémoire des sexualités dont j'ai parlé hier et d'autres, d'un réseau qui s'appelle Big Tata, qui est un réseau de centres d'archives et de bibliothèques LGBTQI et féministes communautaires et autonomes. Donc on retrouve un peu la question de l'autonomie. Je peux juste lire, en fait, par rapport à ce que tu disais sur la mémoire, enfin l'histoire qui n'est jamais réplicable ou que ce serait pas souhaitable que ce soit réplicable. Je vais juste lire le dernier paragraphe de présentation du Brasero. Donc le Brasero, c'est un lieu, un centre d'archives bibliothèque, fanzinothèque, et je lis le dernier paragraphe. Donc c'est aussi et surtout un projet de collecte d'archives de nos luttes et de nos contre-cultures à travers le temps, à la croisée des politiques queer, antiracistes, écologistes, féministes, antivalidistes, tracts, flyers, affiches, banderoles, photos, zines, la mémoire faisant feu de tout bois, ce sont autant de traces de nos luttes passées pour nourrir les flammes de celles à venir que tu peux venir scanner et ou déposer dans notre âtre. Du coup, voilà, je ne sais pas ce qu'il en est des archives, ni d'Aris, ni de Friis. En tout cas, cet exemple-là de ce document que tu as présenté de 2003 me semble avoir potentiellement sa place dans ce type de lieu communautaire. Donc, c'est pas forcément pour répliquer l'histoire à l'identique, mais en tout cas pour nourrir des luttes au présent. Donc, à nouveau, je connais pas trop le contexte local et quelles relations ou tensions il peut y avoir entre les différentes structures associatives, mais en tout cas, pas très loin, à la Villeurbanne, il y a un moyen centre d'archives autonome qui fait un travail qui est assez formidable, il me semble. Donc voilà. Merci Renaud pour ta question. Alors, quand j'ai construit mon projet de thèse, j'avais beaucoup d'ambition. J'avais l'ambition notamment de faire des entretiens collectifs, type witness seminar avec plusieurs personnes, de les enregistrer et peut-être d'en faire des objets radio. Et en fait, j'ai été confrontée dès le début de ma thèse au comité d'éthique. Et du coup, j'ai eu une aide aux équipes de la partie d'action qui me permettait de payer mes billets d'avion, notamment pour aller en Guyane. Et en fait, pour pouvoir débloquer ces fonds, il fallait que je passe devant un comité d'éthique. Et on a encore peu l'habitude en sciences sociales en France d'être confronté au comité d'éthique. Dans la santé publique, beaucoup plus. Donc j'y avais déjà été confrontée lors de mon master. Et du coup, j'ai essayé d'être la plus précise sur ce que je voulais faire à ce comité d'éthique et ça m'a complètement desservie. Du coup, j'ai été en conflit, en bataille avec le comité d'éthique de Aix-Marseille Université qui m'a imposé des choses sur mes données, sur la manière... Enfin, en gros, on m'a imposé de faire signer des feuilles de consentement à toutes les personnes avec qui j'allais m'entretenir dans un espace où on a volé des terres en faisant signer des contrats à des gens. Enfin, ça a beaucoup de portée, en fait, cette histoire de signer. Je viens d'un labo de santé publique qui travaille sur la question de VIH, homosexualité et drogue, où on a des pratiques sur l'éthique et sur la question des feuilles de consentement, où notamment on pense que si on demande aux personnes si elles sont d'accord de nous répondre, on refuse de garder des données identifiantes. Parce que si un jour on se fait perquisitionner par la police, on peut mettre en danger nos enquêtés. Et en fait, on a eu beau venir avec toute cette expérience collective-là de recherche, ça n'a pas fonctionné. Donc j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je ne sais pas encore quoi faire de mes données. Je ne sais pas comment je vais pouvoir les partager, les verser. J'ai aussi tissé des liens avec les personnes. Les witness séminaires n'ont pas pu être faits, mais j'ai reproduit des balades ethnographiques avec des personnes à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni notamment, des balades enregistrées. Enfin, j'ai été formée sur la prise de son, donc j'ai un bon enregistreur. C'est des choses qui sont très belles et radiophoniques. Les personnes pourraient être d'accord de les transformer en objets radio, mais je ne sais pas à quel point ce que j'ai signé sur AMU m'empêche de le faire. Donc voilà, je suis dans le flou. Et quant aux archives, merci pour ta question, parce que de fait, j'ai pris des photos. J'ai scanné certaines choses et je me dis que c'est peut-être un travail que je pourrais à nouveau faire. J'ai essayé d'un peu trier les boîtes aussi auxquelles j'ai pu avoir accès. Mais pareil, c'est quelque chose du lien. Enfin, c'est pas à moi de consigner l'histoire de ces espaces. Je sais que c'est quelque chose, parce qu'on a collaboré un peu ensemble, que je pose systématiquement aux personnes de savoir si elles ont des archives personnelles, si l'asso a des archives, ce qu'ils pensent de faire de ces archives. Et après avoir rencontré l'archiviste, le directeur des archives départementales de Guyane, qui est vraiment... c'est un très très beau centre d'archives et ils font des collectes voilà. Et du coup, je me disais que pour des personnes... Enfin, ils font aussi des collectes associatives et d'essayer de motiver les gens à peut-être, si plutôt que de jeter leurs archives, de les verser dans ces centres. Ça n'a pas marché. Mais je pense que je vais peut-être, en tout cas, essayer de faire un dossier que je vais envoyer pour continuer cette discussion autour des archives avec mes enquêtés. Oui, merci pour ces précisions sur les archives. J'ai connaissance de mémoire des sexualités et de Big Data, mais je ne savais pas qu'il y avait bras zéro à Villeurbanne. Du coup, je pourrais peut-être regarder. Après, ce qui me pose question, je ne sais pas si c'est des archives de lutte. Enfin, c'est toujours un peu compliqué, en fait. Où est-ce qu'on met ça? Enfin, c'est aussi des archives qui sont produites dans un cadre associatif, avec un financement bénévolement par des gouines autonomes. Bon, on peut toujours téléverser Gouix, hein. Enfin, ça sera vite fait, ça prend 5 minutes, donc pourquoi pas. Mais la question, elle est à la fois qu'est-ce qu'est la lutte et qui le dépose, quelle histoire. Enfin, j'imagine qu'à un moment, Daniel Autier, Friis ou je ne sais quoi vont faire aussi l'histoire de Friis. Là, il y a un gros boulot qui serait magnifique. On a discuté d'un projet sur Saint-Étienne. L'année passée, je dirais, quelqu'un des archives LGBTQI de San Francisco qui est venu ici. J'ai oublié son nom. Bon, alors, eux, ils sont tous sauf autonomes, parce qu'il nous a quand même montré le poids du projet par l'investissement en K$. Donc, une démarche un peu différente, mais bon, c'est de la traduction culturelle, on va dire. Et du coup, on était quelques personnes de Saint-Étienne à ce moment-là à s'être dit quel beau projet, à avoir envie de se lancer là-dedans. C'est, du coup, ça veut dire un local, puis lancer des archives orales. Enfin, c'est un beau projet, quoi. Localement, il y a aussi l'association des démineurs, qui sont des gens qui, je dirais, ont une trentaine d'années et ont mis en place chaque mois des apéros mémoire politique et culture. Et du coup, qui sont des temps vivants d'échange de qu'est-ce que la culture queer, transpédéguine, LGBT, avec tout, pour les non spécialistes, vous pouvez rien comprendre et ça prendrait des heures d'expliquer, mais on pourra le faire à part en prenant un café si ça vous intéresse. Oui, merci pour vos interventions. Céline, bah, c'est super bien d'avoir rappelé les expériences de Frice. Et Frice, effectivement, de toute façon, c'est encore récent, puisque sur les 5 dernières années d'Actis, donc, il y avait une friseuse, hein, Romance Fancy, et qui a été donc salariée de l'association, qui donc s'est occupée de tout ce qui était prévention, soutien et réduction des risques auprès des personnes migrantes, plus les interventions à la maison d'arrêt de la Talaudière et du centre de détention de Roanne. Et c'est vrai que même dans les associations historiques de lutte contre le sida classiques, enfin issues de aide, comme Actis, les hommes gays ont aussi, en fonction des réalités de l'épidémie et de l'évolution de l'épidémie, ont aussi laissé la place à Romance aussi, qui est une femme camerounaise. Donc voilà, les hommes gays ont aussi laissé un peu la place aux autres en fonction des réalités de l'épidémie. Alors voilà, ça c'était Actis, peut-être pas partout. Et Charlotte, ben voilà, merci pour la Guyane, parce que juste sur mon expérience donc à SIDAction, à l'attribution des financements au comité associatif, hein, ce que j'ai expliqué hier, où j'ai fait ça pendant 7 ans, je suis souvent tombé, c'était un tirage au sort, je suis souvent tombé sur la défense des demandes de financement des associations guyanaises, notamment d'Entraide plusieurs fois, et puis de l'association L'Arbre Fromager, je crois. Voilà, donc c'était, en tout cas c'était un travail passionnant, parce que je devais les contacter, etc., et comprendre le contexte local de la Guyane, des interventions en pirogue sur le fleuve Maroni, etc. Quand on est en métropole, ben il y a besoin de comprendre en fait les enjeux de l'épidémie locale. En tout cas, voilà, c'était pour moi, en étant ici, essayer de comprendre ce qui se passait là-bas, voilà, des moments importants. À Aide-Loire-Loire, on a évidemment suivi l'épidémie du début, moi mon départ, mais bon, à la fin de l'association. Et c'est vrai que ça a évolué, bien sûr. Alors au départ, effectivement, il y avait essentiellement des hommes blancs, homosexuels. Au fil du temps, bien sûr, les femmes sont arrivées, les personnes issues des pays, enfin, d'Afrique subsaharienne sont arrivées aussi. Donc au fil du temps, on a fait des formations pour les bénévoles, volontaires, notamment avec Daniel Lottier, Frice, plusieurs formations autour de la contamination des femmes, bien sûr, autour de l'interculturalité. On a travaillé aussi avec d'autres structures sur l'interculturalité. Mais j'étais un peu, pas choqué, mais le terme homosexuel mis en avant, ça m'a un peu choqué, parce que ces hommes blancs, qui ont été les premiers contaminés, ont aussi subi, en plus de leur contamination, les foudres de la presse, de l'homophobie, on parlait du cancer gay, qui terrorisait bien sûr ces fameux hommes blancs. Et vraiment, moi je crois que ces hommes blancs qui ont malheureusement été les premiers touchés par cette épidémie, ont payé un lourd tribut. Non seulement ils sont décédés, mais avant de décéder, ont payé un lourd tribut à la survenue de cette épidémie. Je ne dis pas que les femmes et les personnes issues de l'immigration n'ont pas subi ces souffrances aussi, hein. Mais je trouvais un peu réducteur de dire que la contamination était essentiellement concernait essentiellement les hommes blancs qui étaient mis en avant et qui fallait après parler des femmes. Je comprends tout à fait, mais bon, mis en avant, c'est pas un mot qui me, c'est pas un terme qui me convient. Pardon, merci pour cette remarque. J'ai peut-être été maladroite dans les termes, j'en suis vraiment désolée. Mais par contre, je peux me permettre de te tutoyer. Dans ta remarque, je vois quelque chose qui est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a rien de garanti à affirmer un point de vue minoritaire. En fait, lorsqu'on parle d'un point de vue minoritaire, ça veut dire par exemple quand on dit homosexuel, à quoi on renvoie et pour qui ? Ça veut dire qu'on prend toujours le risque. Si on ne le dit pas, on prend le risque de ne pas le dire. Du coup, les autres ne vont pas le voir. Mais si on le dit, qu'est-ce qu'on dit derrière ? Ça veut dire qu'on prend aussi un autre risque. C'est-à-dire le risque d'être enfermé dans une catégorie qui est trop étriquée par rapport à qui on est. Évidemment, la catégorie, elle va toujours être trop étriquée. Et du coup, bon, moi, j'interprète ta remarque comme celle-ci. Ça veut dire finalement, lorsqu'on parle de public minorisé, en les décrivant, est-ce qu'on n'est pas en train de répéter la minorisation ? Et je suis d'accord que le risque, il est là. Mais en même temps, je ne vois pas d'échappatoire, parce que sinon, on ne le dit pas. Et pas le dire, c'est invisibiliser. Du coup, la tension, elle est là. Et ce qui me semble important, c'est de préciser que quand on dit femme, on ne dit pas quelque chose qui existe. En fait, femme, c'est juste sous-homme. Ça veut dire, la compréhension qu'on avait dans le réseau FRIS de ce que ça veut dire femme, c'est des hommes qui n'ont pas les pleins droits des hommes. C'est tout. On disait pas femme pour dire une essence féminine, je sais pas quoi. Et quand on dit lesbienne, on dit ou homosexuelle, on dit personne produite comme minorisée par un système hétérosexuel hégémonique. Et on n'est pas en train de dire la nature lesbienne remontant à Sappho, Lesbos, je ne sais quoi. Et du coup, en fait, le risque quand on parle des identités minoritaires, minorisées, dans des espaces dominants, c'est d'être réessentialisé. Et je trouve ça important que tu l'aies souligné. Oui, merci pour ta remarque aussi. Moi, je dirais que la question de l'homosexualité et du tribut payé par les homosexuels masculins en France pour le VIH est très grand. Bien sûr, enfin, il y a une génération entière qui a disparu. Et en fait, ça nous manque tous et toutes. Mais en fait, c'est aussi intéressant de voir que dans l'histoire du sida, on a à un moment refus. AIDE s'est créée comme une association généraliste pour les malades, a mis à distance la question homosexuelle pour éviter le stigmate. Et puis être derrière, c'est réapproprier cette question. Oui, on est homosexuel et séropositif et les deux vont ensemble. On remet en avant ces identités-là. Mais dans ces mouvements-là, et en fait, quand on regarde aussi la question du sida dans une échelle plus globale, on voit que, les homosexuels dans les Nords ont beaucoup ont payé un lourd tribut, mais ceux aussi des Suds. Et en fait, les femmes, les 4 H du début de l'épidémie à l'intérieur, il n'y avait pas que des homosexuels. Et c'est pas... Et on peut avoir tendance, quand on fait une histoire, de mettre en avant peut-être des groupes qui ont été plus visibles dans la manière dont ils ont été touchés. Et l'idée de réécrire des histoires 40 ans après, c'est de donner la place aussi à d'autres types de récits, à d'autres types d'engagements. Voilà, c'est pas remettre en cause quelque chose, mais c'est plutôt faire la place à tout le monde, en fait. Oui, merci. Moi, je voulais... merci beaucoup pour vos deux présentations qui étaient vraiment passionnantes. Moi, j'avais une question aussi par rapport à la thématique de la journée, mais ça fait écho aux discussions qu'on a eues, Céline, en préparation. Vous avez toutes les deux parlé du premier squat queer ouvert en France à Saint-Étienne. Et puis, Céline, tu as évoqué le projet de San Francisco là, qui est venu à Saint-Étienne pour les archives LGBT. Est-ce que vous pourriez dire... Enfin, est-ce que selon vous, ça a du sens de dire qu'il y a eu une histoire lesbienne ou gwyn stéphanoise de la lutte contre le sida ? Le squat dont on a parlé, c'était le queer. Ce qui est intéressant, quand même, quand on regarde ce que font maintenant les gens qui étaient dans ce squat, avec qui on a encore le contact, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui sont dans la prévention sida. Ou dans les questions de sexualité, enfin, je veux dire... Et ça, par exemple, c'est une histoire à faire. Enfin, je veux dire, le truc s'est passé, on n'a pas remarqué, on est juste allé y boire un verre, discuter, et puis après 20 ans se sont passés, d'un coup on se dit, ah tiens, ça a existé. Mais sur le moment, c'était du quotidien, vous voyez, on n'accorde pas d'importance au quotidien. Donc comment on archive le quotidien, c'est un peu compliqué en fait. Moi, par exemple, j'ai pas la trace de ce truc-là, je crois pas. Je me rappelle même pas l'adresse, toi probablement plus, parce que tu connaissais mieux Saint-Étienne. Moi, j'habite à la campagne, à 10 km. Et évidemment qu'à cette époque-là, on a cherché les lesbiennes. Donc, on sait qu'il y a eu un bar lesbien derrière Centre 2. mais on n'a jamais rencontré des lesbiennes qui allaient dans ce bar. Ça vous dit quelque chose ? Ouais. Et après, il y avait une sorte d'endroit vers Carnot, un peu interlope, quoi. Vraiment, l'endroit qui correspond à interlope, non ? Là, ça s'appelait le fétiche. On trouvait là des travailleuses du sexe, des PD, des gouines, des gens bizarres en tout genre, quoi. Bon. Et ça existait. Moi, j'y suis allée quelques fois. Mais cet endroit, il s'est arrêté, je ne sais pas quand. Je n'ai pas gardé la trace. En fait, c'est du quotidien, tout ça. Du coup, si on voulait chercher, il faut entreprendre une démarche, en fait, sérieuse, quoi. Il faut chercher des gens, il faut trouver des anciennes. On a déjà, à un moment, j'ai participé à faire une émission de radio sur Radio Dio, et on avait cherché à trouver la plus ancienne lesbienne de Saint-Étienne. Mais on a échoué, hein, on a échoué. Enfin, je veux dire, on en a trouvé une qui avait 52 ans, c'est quand même ridicule, quoi. Je pense aussi que ce squat, le queer, il rentre dans une période de mouvement politique et autonome plus large que Saint-Étienne. À Saint-Étienne, c'était une ville au début des années 2000, mais qui, je pense encore, politiquement bougeait beaucoup. Et du coup, qui était en lien avec beaucoup d'autres gens dans la région, en France, en Europe. Et c'est un projet qui est un peu venu d'ailleurs, cette question d'ouvrir un squat à Saint-Étienne, parce qu'il y avait plein de bâtiments vides, parce qu'il y avait... parce qu'il y avait une mobilisation politique importante. Et voilà, à l'ouverture d'un premier squat, il y a un ami qui est décédé. Enfin, il y a eu aussi des drames dans ces espaces. Et c'est... Les personnes qui ont ouvert ce squat s'inscrivaient dans des mouvements queer plus larges, dont des rencontres européennes qui s'appelaient Queer Option... international, tout à fait international, Queer Option. Pas mal de gens venaient aussi étaient impliqués dans La Croisière, qui était un groupe PD de pédale radicale qui organisait des retraites qui s'appelait La Croisière, dans lesquelles, du coup, malgré... ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être la question du sida était moins centrale qu'elle pouvait l'être pour les générations d'avant. C'est un squat qui a duré peu de temps, finalement, où des gens sont confrontés à une ville où il n'y avait pas non plus beaucoup de lieux. Et ils sont tous partis à Berlin, à Londres ou à Barcelone. Mais c'est intéressant de voir que cet espace a existé, qu'aujourd'hui, à Saint-Étienne, il y a d'autres... Il y a une culture queer et des collectifs qui existent et qui ont l'impression d'être les premiers. Et ce n'est pas le cas. C'est aussi ça, ça fait de pas laisser de traces, c'est que en fait on a toujours l'impression de réinventer la sauce. On a du mal à voir les générations d'avant et voilà. Thomas, je suis désolée, t'as demandé une réponse longue. J'ajoute juste une petite chose. Non, mais plusieurs choses qui. En fait, il faut imaginer, par exemple, qu'entre Grenoble, Saint-Étienne et Lyon, il y avait et la campagne, il y avait une intersquat. Du coup, on avait des rencontres régulières où on se voyait sur c'est quoi les pratiques de squat, ta, ta, ta, ta. Donc il y avait des circulations sur la question déjà des squats. Et on avait aussi la pratique des concerts punk, bien sûr. Et ce qui fait que, par exemple, Friis a aussi infusé dans les concerts punk. Je pense qu'il y a peu d'espace culturel dans la société dans lesquels il y avait des tables de réduction des risques au début des années 2000. Ce qui a toujours été le cas des concerts punk, en fait. Enfin, aussi loin que je me souvienne, on a fait des tables, et ça, c'est aussi un des effets de Friis, etc., d'avoir ça. Et on était aussi connectés par cette scène-là. Il y avait des groupes qui circulaient, etc. Donc, les liens... Ça me semblerait difficile de faire une histoire juste de Saint-Étienne, parce qu'on circulait. Merci pour vos deux interventions. Je vais faire très très court, puisque c'est demandé, mais j'ai quand même des questions, donc, essentiellement pour Charlotte. Tu as parlé de l'épistémologie féministe et des points de vue situés. J'aimerais savoir comment tu les mets effectivement en place, en pratique, en fait, sur ton terrain, sur ton analyse de ton matériau. En dehors de simplement voilà, de s'en inspirer, en fait, comment, de manière pratico-pratique, tu les utilises. Et sur les débuts de l'épidémie, parler des quelques associations qui avaient été montées. Est-ce que tu as des informations sur les dynamiques raciales propres à la mobilisation des premières années ? Est-ce que ça a été le fait simplement de blancs hexagonaux, ou est-ce qu'il y a eu des créoles qui se sont impliqués ? Et tu parlais de la... alors, je fais très court. La position des blancs, de pouvoir des blancs hexagonaux aujourd'hui, mais en fait, il y a aussi le groupe des créoles qui est quand même qui est la minorité dominante, selon la terminologie d'Estelle Card. Donc, quelle place a ce groupe social aujourd'hui dans tes analyses sur la période très contemporaine par rapport aux hexagonaux? J'aurais plein d'autres questions, mais on pourra en parler après. Merci. Alors, je pense que l'épistémo-féministe, c'est des choses que je lis et que j'essaye de mettre en place. Enfin, la question de l'épistémo-féministe, c'est quelque chose qui a été écrit à l'université, mais par des chercheuses avec le lien qui sont en lien avec le mouvement social. Et du coup, moi, j'essaye de me débrouiller sur quelles questions je pose, qui je vais regarder, comment j'essaye de penser que, de toute façon, ce que je vais produire, ça sera partiel. Et de décider de plutôt regarder mon groupe. Je pense que c'est là-dedans que je mets cet épistémo. Je vais rentrer dans mon travail d'écriture, j'ai hâte. Et c'est aussi de réfléchir à comment ne pas nuire aux personnes. Enfin, je pense que c'est dans les sciences humaines, sociales en général, c'est quelque chose d'important. Mais de comment arriver à mettre en avant des identités stigmatisées, sans les stigmatiser plus. Enfin, je réfléchis vraiment à faire quelque chose autour de vivre avec le VIH, parce que c'est ultra important dans la manière dont les personnes vont mettre en place des actions s'ils vivent ou pas avec le VIH, mais dans une société où c'est super stigmatisé, du coup de faire attention à la question de l'anonymisation, de faire super attention à ça. Enfin voilà, je pense que c'est ça me vient aussi du fait d'avoir été impliquée dans les associations de lutte contre le sida. Enfin, c'est tisser des liens d'où viennent mes pratiques et mes expériences et d'essayer de les montrer. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Pour ce qui est des dynamiques ethno-raciales sur les premières années du VIH, en fait, comme je le disais, c'est difficile d'avoir accès aux personnes des années 80. Mais j'ai eu la chance de faire un entretien avec la fondatrice de Aide en Guyane et du coup de me faire bouger de ce que je pouvais penser des dynamiques en les regardant actuellement, en fait, ce que je peux voir maintenant et qu'on va pouvoir avoir tendance à généraliser sur le temps, il faut vraiment se prémunir de faire ça. Et du coup, par exemple, cette dame a un parcours hyper intéressant. C'est une réfugiée, c'est une réfugiée de la guerre d'Indochine. C'est du coup une Vietnamienne qui est venue en France pendant la guerre d'Indochine, qui se retrouve ensuite en Guyane en étant perçue comme une locale et qui va du coup à la recherche de ses frères Hmong. Enfin, les histoires d'origine et des questions raciales et de comment elles interagissent sont ultra plus complexes que la question blanc, créole, noir, etc. Et ça, j'ai envie d'en donner un accès tout en réfléchissant à la question du pouvoir. Et ce qui était intéressant avec l'entretien de cette personne, c'est de voir que dans les premières années, les créoles en fait se mobilisent pas mal sur la question du VIH et c'est plutôt dénotable et qui vont donner du temps pour une cause qu'ils pensent bonne. Il y a l'importance du Rotary Club dans les financements du VIH. Et après, pour moi, par contre, ça a été vraiment un creux où j'ai pas trouvé de gens avec de personnes guyanaises créoles avec qui faire des entretiens, notamment de ces époques-là. Enfin, c'est un manque de ma thèse. Enfin, ça va être comme tel. J'ai plutôt des paroles d'autres personnes plutôt que des paroles des gens même. Et on peut voir qu'aujourd'hui, dans les associations de lutte contre le sida actuelles, il y a peu d'engagement de personnes créoles. Il y a quelques salariés qui sont là depuis longtemps. Et voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Enfin, voilà, je fais un travail en cours. Il manque vraiment une partie d'analyse et d'écriture. Mais en tout cas, j'ai des volontés d'écriture qui font partie de la manière dont j'essaye de me situer.